tu ne m'aideras que si moi-même je m'aide. Oui, je vous aime, mais moi aussi je m'aime. Proposez-moi un miroir. Proposez-moi un miroir. Proposez-moi un miroir. Donnez-leur un miroir qui vante leurs frères. L'humain ruse pour se faire aimer, garder les yeux fermés. Pour être heureux, tu peux pas faire mieux, ferme-les. La puissance du diable m'a entrouvert les cieux. L'amour en aveugle, non, il m'a ouvert les yeux. On fait pas la guéguerre rabatte, ça va t'inquiète, j'ai les rempates. On veut quelqu'un, le rate pas. La haine est telle que les gens qui ont vécu des dingueries se marrent de tes cris. Vaincu a essuyé une défaite plus humiliante que celle qu'il a décrit. Blanc ou noir l'ont tout écrit. Paname, je t'écris. Comme ma folie, j'ai des pics. Les négros croient que j'ai un cri-cri. Ta vache broute, t'es le seul taureau pour ton veau. Un million d'erreurs ne valent pas une faute. T'as pas d'oseille, télécharge. Ils mangent à l'œil au lieu de la chasse. Une chaleur fière et pudique. Damn, je vois des humains dans les chats. Y'a même de la haine dans les biens, dans un bout de baguette. Bu un ami se plaindra qu'il n'y ait pas de sel dans le pain. Devil one my soul, God on my neck. Je les écoute tous, chacun son tour. Je vois moins bien qu'un sourd, j'écoute moins bien qu'un aveugle. Le best négro est de retour. J'ai cherché mon chemin de Notre-Dame à rue Manin, en passant par la rue Mira. J'suis qu'un écrivain slave orgueilleux, aïe. Une couronne en papier, ça m'ira. Proposez-moi un miroir et se préfère aux autres pour une pièce en fer. Proposez-moi un miroir, donnez-leur un miroir qui vende leurs frères. Je cherche la paix d'un yogi, je sais plus qui est qui. Vais-je finir à frais, nous au frais? Je me lève même groggy, l'ennemi me donne du recul. Refrais, les sourires mes frères. Un roi ne doit pas merder, pardon blessé. Merci à celui qui m'a aidé à monter. La stratégie n'est qu'un devoir et pour ne pas y rester. Quand tu remplis pas ta teuté, tes défaites sont méritées. Bruno, si je dois allier la couleur aux chiffres pour gagner la bataille, je dois être le numéro Bruno. Je me bats contre moi-même, amen. Ne suis-je pas taille, si ou non? Ta victime sans vie pourra toujours te faire frire. Jusqu'au jugement, les cadavres ont l'avantage de ne plus souffrir. Je claque des couplets, je fais que des coupés. Je me courber devant où c'est. Quel est le bon qui connaît les comptes? Il est complet. Ma vie n'est tellement pas nice que j'aime des gens qui m'haïssent. Ils se voient dans mes larmes. Je le sens dans leur malaise. Quand t'ignores tes fautes, tes défauts, tôt ou tard la trahison t'assomme. J'ai deux types d'amis de longue date, les amis fiables et les traîtres patients. Pas besoin d'une bague mais d'une vitrine. Je sais faire la bouffe, je sais faire la vaisselle. Vous m'avez tellement laissé dans le trou que je suis devenu fou. J'aime me retrouver seul. Hard life, respect à Kurt Cobain. Trop de peine, d'où la coupe d'Arine Robben. Quel compère, un Africain me tuerait pour une Européenne ou un Copec. J'éprouve du plaisir à être une bête de foire. Je commence à m'y croire. Que je plaise ou pas, j'ai besoin de me voir. Proposez-moi un miroir. J'ai mon chemin de Notre-Dame à rue Manin, en passant par la rue Mira. J'suis qu'un écrivain slave orgueilleux, aïe. Une couronne en papier, ça m'ira. Proposez-moi un miroir et se préfère aux autres pour une pièce en fer. Proposez-moi un miroir, donnez-leur un miroir qui vende leurs frères. Proposez-moi un miroir. Proposez-moi un miroir. Oui, on doit s'aimer. Un miroir! Sinon, qui va le faire à ta place? Proposez-moi un miroir. Les guns sont black. Les guns sont black. Et les négros d'en face sont black aussi. Oh. Fais chier. Proposez-moi un miroir. Je m'aime dans le miroir. I love myself. Même si des voix. Je me sens seul. Pour Opposez-moi un miroir, donnez-leur un miroir qui vendent leurs frères.